tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock Faux Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz et le lundi soir sur mon cher Tom Metal Invasion.fr. Yes. Bonsoir Tom. Salut, ça va? Bon écoute, pas mal, hein. Il fait un peu il fait. Mais c'est la fin du mois de janvier, quoi. Je pense qu'il fait un peu parce que les fenêtres étaient ouvertes et le chauffage était un peu. Parce que moi, franchement, t'as qu'une épaisseur. Moi, j'en ai deux et j'échoue. Ouais, bon, j'ai une grosse épaisseur. Soyons francs, soyons clairs. Le Rock Faux Show risque de changer. C'est la dernière. Voilà. Mais... Non, rassurez-vous. Et c'est pour ça que j'ai dit soyons francs, soyons clairs. C'est la dernière. Parce que. Le jeudi soir. Oui, voilà. C'est tout simplement pour vous dire ça, pour que vous ayez l'oreille ouverte. C'est la dernière du jeudi soir. Le lundi soir sur Metal Invasion, on sera toujours là à la même heure, normalement. C'est 20h, 22h. À moins qu'ils veulent nous rejoindre, qu'ils veulent diffuser eux le jeudi ou vendredi, peut-être, hein, peut-être. Si tu veux, cher Sony. Non, le jeudi, ce serait dommage, parce que ce serait dès le lendemain, ce serait dommage. Oui, ou le vendredi, pourquoi pas, ouais. Si tu veux décaler un petit peu ton émission, voilà, c'est tout frais, hein. On est un peu brut avec toi. On a appris ça aujourd'hui. Hein, donc, ouais, c'est, voilà. C'est un peu brut de décoffrage de trucs. Sachez que la semaine prochaine, en théorie, c'est pas encore signé à 3. On n'a pas encore signé avec le boss de ouais, mais c'est quasiment 90%. Ah, il y a 99,9%, comme on dirait l'autre, que ça soit mercredi soir. Donc, même lieu, même heure. Oui, même mais lieu, même pas heure. Même jour. Mais pas même jour. Donc, quand vous verrez une annonce affichée mercredi soir, même vous la verrez en grand, on fera en sorte que ça soit le jeudi soit rayé et que ça soit marqué mercredi, parce que quand on est tous cons, et je suis le premier à le dire moi-même, que je suis des fois con, bête et discipliné. Des fois seulement? Quand je vois un truc, je vois vert et c'est pas rouge, même si tu me dis que c'est rouge, et ben on vous mercredi mercredi soir. Et mais bon, voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, ce soir, on est jeudi, on est le 25, c'est l'anniversaire de mon papa, donc bon anniversaire. C'est l'anniversaire de ma maman, mais ils sont pas ensemble, hein, je vous rassure. Et puis, c'est l'anniversaire d'une fille qui s'appelle Sylvie aussi. Ouais, c'est l'anniversaire d'une fille qui s'appelle Marie, mais qui n'écoute pas l'émission. Bon. Mais bon anniversaire à toutes ces personnes que l'on connaît, bon anniversaire maman, bon anniversaire papa Phil. Ouais, ça achève, je vais dire, le mois de janvier, parce que j'en ai eu quand même 19 cette année à souhaiter, donc voilà. T'en as eu combien le premier? Au premier quoi? 1er janvier. Ah, au 1er janvier, j'en ai souhaité plein, mais bon, voilà quoi. On a fait des anniversaires quoi. Ah oui, non, mais combien sont nés le 1er janvier? Ah, j'en sais rien. Ceux qui sont nés après le 1er janvier. Même le 25 décembre, on s'en fout. C'est des loupages, ils ont dit putain, on va essayer de faire un. Voilà. Bon, en tout cas, ce soir, une émission 100% zik nouveauté. On va essayer de vous dispenser que de la nouveauté. Ce soir, on a commencé avec Saxon. Saxon qui rend hommage à Saxon, bien entendu, mais surtout à Motorhead. Puisque le morceau s'appelait They Played Rock and Roll. Ils ont joué du rock and roll. Où il jouait du rock'n'roll. C'est sur l'album Thunderbolt, le prochain album de Saxon qui va sortir le 2 février prochain, sur Silver Lining Music. Hein. Et ce morceau-là a été fait en hommage à Motorhead, puisque ça faisait... Surtout on voit la vidéo, on voit Lenny. Oui, bien sûr, puisque ça rappelle un peu la première tournée, le premier concert qu'ils ont fait ensemble. Parce qu'ils étaient co-tête d'affiche sur. D'accord. Moi qui n'y connais pas grand-chose, c'est pour ça que je t'interpelle dessus. Pourquoi? Ouais. Mais pourquoi, très cher? Voilà, donc le clip que vous pouvez voir sur YouTube et puis sur les autres plateformes, je suppose, eh bien, vous donnera plus d'explications sur le fait que c'est un hommage à Motorhead et à Lemmy, bien entendu, puisque c'est vrai qu'ils étaient plus ou moins inséparables, notamment sur le Wacken Opener. Ils faisaient soit une année sur deux, et je me rappelle que pour les 10 ans, ils avaient joué tous les deux. Saxon et Motorhead sur l'affiche du Wacken Opener. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'album, ce sera le 22e album de Saxon. Il contient 12 titres, c'est du heavy metal. Ils sont anglais et le groupe s'est formé en 1977 et c'était un des leaders de la New Wave of British Heavy Metal. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Escape the Fates et ils sont en concert, mon cher Tom, très prochainement au Trabendo. Oui, bien sûr. Avec Seth Thurston. Exactement. Et ce sera le 26 janvier, donc demain. Demain soir. Voilà, groupe américain, bien entendu. Très, très, très orienté pour la gente féminine, on va dire. Donc, les auditeurs de Metal Invasion, bah, vous oubliez le concert, c'est fini, c'est passé. Oui. Nous allons enchaîner ensuite avec un nouveau titre du prochain Machine Head. Parce que jusqu'à présent, vous avez passé des titres qui un peu ambiantes, un peu, on se demandait bah, d'ailleurs si c'était vraiment du Machine Head. Bah, là, vous allez voir, avec ce morceau-là, California Bleeding, c'est vraiment du Machine Head, tiré de l'album Catharsis, sorti chez Nuclear Blast. Demain, ils sortent en Mondio Vision, demain, enfin en Mondio, je sais pas quoi, demain. Et l'album contient 15 titres, ils nous viennent de Auckland aux États-Unis. C'est du trash technique et ils se sont formés en 1992. Oui, mais si tu voulais m'interpeller, il fallait m'interpeller avant. Ouais, bah voilà. Vas-y, Black Label Society maintenant. Ah, voilà. Black Label Society qui nous viennent de Los Angeles, comme dirait l'autre. Enfin, l'autre, c'est Phil, donc les Américains. Ils sont formés en 1998. On va les écouter avec leur titre The Betrayal. Sorti de l'album, c'est un album ou c'est une compil? C'est un album. Grimmest Hits. Oui, Grimmest Hits. Sorti chez le label E1 le 19 janvier dernier. Ils seront en concert à Toulouse le 9 mars prochain au Bikini, mais surtout parisien, ils seront en concert le 8 mars, c'est-à-dire la veille au Bataclan. Voilà. Sachez qu'à l'intérieur de Black Label Society, pour ceux qui seraient partis sur une autre planète, on retrouve Monsieur Zach Wilde au chant, à la guitare, à la basse, au clavier, enfin un peu partout. Ex Ozzy Osbourne, ex Zach Wilde, ex Pride of Glory et ex Ziris. On finira cette partie musicale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein, c'est, oui. On les finira avec Hyde Folk. Hyde Folk, sorti chez Napalm Records le 12 janvier dernier. Avec un... C'est inversé, Philou. Hein. Dieu s'est réuni avant et après Hyde Folk. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on fait Hyde Folk d'abord. Et... Oui. Mais voilà, là j'en suis à Hyde Folk. Oui. Qui a sorti son album qui s'appelle Fur Fan Verzet. Alors pour tous les Hollandais, vous allez pouvoir comprendre. Pour moi, je n'ai pas trop compris. Et c'est le titre qui s'appelle A Wolf in My Heart. Alors ça, je vais le dédicacer, tiens, à toutes les filles qui adorent les loups, notamment à une certaine Lona Wolf. Hein? Ah, ça existe encore, ça? Bah, je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, on n'en a plus trop entendu parler de ces derniers temps. On l'a croisé dernièrement, vous inquiétez pas. On lui dédicace le morceau. Il est très occupé. Wolf in My Heart. Sorti le 12 janvier aussi 2018, l'album contient 11 titres plus 2 bonus sur la version série limitée. Ils nous viennent de Arnhem, aux Pays-Bas. Ils font du folk pagan metal et ils se sont formés en 2002. John Satriani, c'est pour toi. Ouais, il sera en concert à Lyon le 15 mars prochain. C'est Hyde Folk? Non, Joe Satriani avec Joe Petrucci et. Joe Petrucci. Ouais. Et Uli John Roth, c'est ça que tu veux dire? Uli John Roth. À Lyon le 15 mars prochain et sur la super nouvelle salle parisienne le 16, c'est-à-dire le lendemain. Et ça s'appelle la scène musicale, c'est à Boulogne-Billancourt, c'est sur l'île Seguin si je ne m'abuse, enfin c'est très proche de, voilà, vous voyez ce que je veux dire, les Parisiens. Sachez juste que le nouvel album de Joe Satriani s'appelle What Happens Next, donc c'est, qu'est-ce qu'il y a de nouveau quoi en fait? Bah, l'énergie, c'est le titre. C'est l'énergie, voilà. C'est l'énergie qui est nouvelle. Là, voilà. C'est sorti chez Legacy Records le 12 janvier dernier. Allez, on vous envoie tout ça dans vos oreilles, 06 81 01 28 34. Il y a quoi à gagner ce soir? Il y aura des places de concert pour Malmort, il y aura des places de concert pour Popa Choubi également. Hein, vous pouvez déjà donc nous envoyer vos SMS pour nous dire on est là, on est derrière et on veut gagner. 06 81 01 28 34. Pour l'instant, on part en musique avec Machine Head. C'est parti. Down. don't give a fuck if I'm bad. The fucking road is down at Disneyland. Highway 5 down to 99. I'm getting head near the Fresno sign. Barry, yes, I'm stumbling and stammered. East Bay trans out, drinking and hammered. And Hollywood's giving me the bends. Cause in LA you ain't got no friends. Free my method, get me wired. Start a riot, light a fire. Call me your, believe me, please. What California's bleeding me. Sell me down the river, tamper like a trigger. Watch your back, here come the gold diggers. California's bleeding me. And I don't care tonight. Welcome out. Golden State brings no more. de retour dans le Roquefort Show tous les jeudis soirs, pour l'instant, de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz. Voilà, on m'a dit de parler un peu plus près du micro parce qu'on m'entendait de loin, n'est-ce pas Eric ? Bonsoir Eric, bonsoir à Sydney également, hein, de Metal... Bonsoir tout le monde. Bah d'accord, il me suit pas. De méthode-invasion.fr. Voilà, exactement. Et de radio-québec.biz. Exactement. Alors vous venez d'écouter Machinette tiré du dernier album. Ensuite c'était Black Label Society tiré du dernier album. C'est normal puisque c'est une émission 100% Zik Nouveauté. Hide the Folk tiré du dernier album également. Et Joe Satriani. Alors tout à l'heure je vous ai dit quoi de neuf, quoi de nouveau. En fait c'est What Happens Next et maintenant qu'y a-t-il après, qu'y a-t-il prochainement. Hein, de, c'est oui, ça. Bien hein. Sûr. Donc voilà, bah, c'était très bien. Moi j'adore Joe Satriani, ça joue du feu de Dieu. Et qui là, n'aime pas Joe Satriani? Il y en a? Moi je sais pas, Bah les jaloux. En tout cas, il sera sur la route avec John Petrucci. Sur la route, hein, et puis avec également Uli John Roth. Donc ne les ratez pas, on vous a donné les dates tout à l'heure. Si vous voulez réécouter l'émission, ça sera à partir de demain, je pense, dans la journée. Demain, en début d'après-midi. Ouais, sur le site archive.org, vous tapez Roquefort Show, vous trouverez tout en ce moment. Ou sinon, vous avez tous les détails sur la page Facebook de l'émission. Facebook.com/Roquefort Show. Merci. Est-ce que l'on entend en fond sonore? Le groupe s'appelle Punish Yourself. Ils seront en concert, très cher Phil. C'est vrai? Où ça? Oui. Au Rackham le Rouge? Non, Rackham. au trésor du Rackham? Ouais. Et par contre, c'est Rack apostrophe Am. Ah, c'est Rack apostrophe Am. Ouais, voilà. En tout cas. À Bretigny sur Orge dans le 91. Et c'est demain? Oui. Et voilà. C'est demain. Et sachez que. Ils viennent de Toulouse. Sachez que le groupe a sorti un nouvel album qui s'appelle Spin the Pig et que c'était au mois d'octobre chez Vericord. On enchaîne avec encore des nouveautés, mais des concerts surtout. Avec Accept qui sera en concert le 1er, c'est ça? Oui, le 1er, oui, c'est le 1er février. C'est jeudi prochain, le 1er février. Et voilà, enfin, donc jeudi prochain, on n'est pas là, on sera en direct mercredi soir. Voilà. On peut le dire cash, et c'était prévu d'avance, mais normalement on devait l'enregistrer. Mais finalement, on devrait être en direct mercredi prochain. Voilà, donc ça c'est à régler, les petits détails à régler encore avec notre diffuseur radioquebec.biz. Pour ceux qui nous écoutent le jeudi soir, mais qui nous écouteront le mercredi soir. Et après, il faudra régler les détails avec Metal Invasion qui nous écoute le lundi soir. Voilà. Voilà. Par contre, on pourra peut-être, je sais pas, on verra si nous... Bah oui, on sera prêt normalement pour que ça soit diffusé en le podcast. Le vendredi, voilà. Ça peut être diffusé dès le vendredi sur Metal Invasion, s'ils le veulent. Ouais, enfin, on verra. Allez, Accept, tiré du dernier album qui s'appelle The Rise of Chaos. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir, c'est What's Done is Done. Sorti chez Nuclear Blast au mois de août dernier. C'est un quintet de heavy metal, bien sûr, à l'allemande, avec des chœurs à l'allemande. Le groupe s'est formé en 1968. Ils nous viennent d'Allemagne, de Solingen. Et ils seront pas seuls en concert, puisqu'ils seront avec Night Demon, ça tombe bien, c'est le titre qu'on vous propose après Accept. Ça s'appelle Darkness Remains pour l'album, sorti chez SPV le 21 avril 2017. Et pour le titre, c'est Life on the Run. Ils nous viennent des États-Unis, de Ventura exactement, c'est du heavy metal, formé en 2011 et donc en concert avec Accept le 1er février. Nous enchaînerons ensuite avec Papa Choubi. Préparez vos téléphones, préparez vos SMS si vous voulez rafler des places pour aller les voir. Donc pas ce soir hein, parce que c'est trop tard, mais par contre demain vous pourriez aller les voir. On peut vous mettre deux places pour aller les voir à Lyon au Transborder. On peut également vous mettre deux places pour aller les voir le 28 à Rouen. À Reims, excuse-moi. Mais ils sont pas à Rouen, à non. Reims, ils se rapprocheront. Ça fait une bonne heure de Paris à Salle Rossini, à Nice le 30 du mois. Ils seront à Paris au Bataclan le 31 et au Havre le 1er février, c'est-à-dire jeudi prochain. Voilà, et donc on a des places pour vous à vous offrir pour chacune de ces dates. Donc on vous rappelle les dates pour aller voir Papa Choubi, 26, 28, 30 et 31 janvier et le 1er février. Papa Choubi, on va vous passer une reprise ce soir, une reprise des Rolling Stones, Sympathy for the Devil. C'est tiré de l'album, le dernier album en date de Papa Choubi qui s'appelle Two Dogs. Qui est sorti le mois d'octobre chez Vericords. Voilà, bah on va vous laisser donc en musique. On va juste vous rappeler le numéro de téléphone auquel vous pouvez rafler excusez-moi, c'est place pour aller voir Popa Choubi. 06 81 01 28 34. Allez, à tout de suite. Myself, I'm a man of well to taste. I've been around for long, long years. So many men sold away. I was around when Jesus Christ had his moment on doubt and shame. Made them short and pilot, washed his hands and sealed his fate. Around St. Petersburg when I thought it was time for a change. For the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. Drove a tank in a general's way while the Blitzkrieg way and the bodies stay. Pleased to meet you, don't you guess my. Every cop is a criminal, and all you sin are same. Heads and tails coming Lucifer, I'm in need of some restraint. You mean it? Have some sympathy, have some courtesy, have some taste. My job is killing to a dog. Révélation du Faire-toi en Rockin' Fest, rappelez-vous, c'était le 16 septembre. Burn. Déjà ? Eh ouais, déjà le 16 septembre. Le groupe s'appelle Burn. On salue toute l'équipe. Moi, je les salue, moi. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bon, on leur a déjà dit maintes et maintes fois, mais t'as raison, puisque ça s'arrête dans quelques jours, la bonne année. Hein. Il faut arrêter de le souhaiter. Ça s'arrête mercredi soir. Donc mercredi soir. Mais vu qu'on sera là mercredi soir, on pourra encore vous souhaiter bonne année. Ah, on sera encore en janvier. Eh ouais. Bon bah écoutez, rendez-vous mercredi soir alors. Bull Run, groupe de Paris qui a sorti un EP de hard rock, ce que vous entendez en fond sonore. Le groupe s'est formé en 2011 et ils seront en concert le 2, c'est-à-dire vendredi à Paris à la Boule Noire. Ils seront pas tout seuls puisqu'ils seront avec Silver Train. On en reparle tout de suite. Pour l'instant, on va débriefer un petit peu ce que l'on a entendu. On a commencé, mon cher Tom, avec Accept. Accept, il sera en concert le 1er février prochain, c'est-à-dire jeudi à l'Élysée Montmartre avec Night Demon, qu'on a écouté juste à la suite. Après, on a écouté Papa Shubi, dont vous pouvez gagner des places pour aller les voir à Lyon, à Reims, à Nice, à Paris et au Havre. Et en fond sonore, Bellerin, voilà. Voilà, et pas de... Je suis en mono sur le fond sonore, c'est pas grave. Oui, des fois il passe que d'un côté. Voilà. Et donc, pour Papa Shubi, c'est ce soir que vous nous envoyez des SMS au 06 81 01 28 34. 06 81 01 28 34. Les auditeurs de Metal Invasion n'ont pas le droit. Si, les auditeurs de. Mais non, mais envoyez ce soir pour ceux qui veulent y aller demain. Parce que Metal Invasion demain, c'est mort. Pour le 28, c'est mort aussi. Oui, pour Metal Invasion, vous avez plus que Paris, enfin Nice, Paris et Le Havre. Voilà. Donc le 30, 31 et le 1er pour Metal Invasion. Sinon pour les autres, le 26, le 28, le 30, le 31 et le 1er si vous voulez aller voir Papa Shubi. La semaine dernière, il y a déjà eu un gagnant. Il s'appelle Maxime, donc on le salue bien. Donc n'oubliez pas, vous pouvez rafler des places pour aller voir Papa Shubi. Excellentissime bluesman. Blues, rock, un peu de métal de temps en temps, c'est vraiment très très bien. Bull Run, on y revient avec Silver Train, puisque Silver Train, c'est le morceau que vous allez entendre tout de suite après. Tiré de leur dernier album qui s'appelle Walls of Insanity, le morceau que je vous propose c'est Lorelei, sorti chez Brennus en 2016. L'album contenait 10 titres, il contient toujours 10 titres d'ailleurs, c'est un quartet de hard rock formé tu me rassures. En 1976, qui n'est pas nouveau. Et ils nous viennent de Strasbourg, ils seront donc en concert à la Boule Noire, le 2, avec Burn, que vous entendez en fond sonore. Nous enchaînons ensuite avec un des Canadiens. Trigon. Oui, Trigon, je pense. Ah, je pense que c'est Trigone. J'avais lu un C, moi. Non, c'est un G. Je pense que c'est Trigone. On vous en avait déjà diffusé lors de la sortie de leur album. Et là, ils viennent de sortir un nouveau single qui est sorti hier. Donc vous voyez, c'est tout chaud, que pour vous, hein, auditeurs du... C'est notre ami... John Asher. John, tu nous as suivi ça ? Ouais. Rock it, c'est le rock titre. Rock it, c'est sorti donc le 24, hier. C'est tout chaud, sorti de Ottawa. Si tu aimes Volbeat, si tu aimes Offspring, si tu aimes Metallica, si tu aimes Misfits et si tu aimes Green Day, ceci est pour toi. Ouais, tu vas adorer Trigger. Enfin, normalement, après... Non, franchement. Alors là, on a beaucoup plus l'empreinte Volbeat hein, sur ce morceau. Vous allez l'entendre dès le départ. Vraiment, enfin moi, j'ai kiffé grave ma race. De toute façon, j'adore toute cette sonorité-là. Et en plus, c'est des petits Canadiens, donc voilà, d'Ottawa. Donc on est content. On enchaînera ensuite avec les festivaliers, les festifs, les festeux, les... enfin ceux qui aiment la fesse aussi, hein, et les tits, et les nichons. Il s'agit de Steel Panther, et non pas Sleep Panther, hein, Steel Panther. Non, ça, c'est toi qui le dis. Hein. C'est moi qui le dis. Qui seront en concert bientôt. À l'Olympia, le 28 janvier prochain. Ils nous viennent de Los Angeles, aux États-Unis, formés en 2008. C'est du quoi ? C'est du glam rock. Ouais, c'est du glam rock. Un quartet de glam rock. Formé en 2008, ils nous reviennent avec 11 titres plus 2 titres bonus. L'album s'appelle Lower the Bar. Lower the Bar. Anything Goes. Exactement, voilà. Et c'était sorti au mois de mars de l'année dernière. Voilà, et bon, on vous laisse en musique, on vous rappelle le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Ne les jouez pas au loto, ou alors si vous les jouez, vous aurez de la chance. Vous partagez. Ouais, mais alors les 80, ils rentrent pas dans la grille. Hein. Allez, on vous retrouve tout de suite après. Si vous voulez rafler des places pour Papa Choubi, c'est maintenant. Musique. I forget so much of your skin. Let my heart tell me. retour dans les studios aux douces mélodies de Silver Stage. Silver Stage qui seront également en concert, que des groupes en concert là, en plus des filles, puisqu'il sera un festival réservé au Ladies Rock Metal Fest numéro 3. Ça sera au club, c'est sur deux jours, je crois que c'est le 3 et le 4 février à Paris. Donc il y aura le 4. Hein, le jour de Silver Stage, il y aura également Fourth Circle, Cortex et Anaturna. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil, vous donner quelques nouvelles de Silver Stage qu'on n'avait pas entendu depuis un petit bout de temps sur le Rock for Show. L'album ou l'EP, je crois, est sorti en 2016. C'est un quintet de heavy metal formé en 2015 et ils nous viennent de Paris. Avant ça, qu'est-ce qu'on a écouté, mon cher Tom, durant cette petite programmation musicale assez musclée et, bonsoir, nous sommes jeudi soir. Ma foi, certes, très très varié. On a eu du hard rock avec Silver Train. Ouais, Silver Train, Trigon et Steel Panther. Voilà, donc c'était ouais, un peu festif hein, quand même, cette plage musicale. Ouais, et on a eu le temps pendant la plage musicale de vous mettre une photo de nous en action. Voilà. Ouais, ouais, en pleine action. Voilà, on grave. Avait envie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis de photo. On est very occupé d'un. Et puis bon, vous avez vu, hein, on boit rien. On boit rien. Bah non, il n'y a rien sur les tables. Il n'y a rien à boire dans Rock for Show, c'est dingue ça. Ah non, on est à la diète. On va continuer dans du musclé plus couillu maintenant. Maintenant qu'on a eu de la mélodie, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus. Bleed of et on va partir avec les Grecs de Rotting Christ. Sorti de leur album Rituals, sorti en 2016. Et le morceau, mon cher Tom, Tout à la tour. Tout à la tour. Tout à la tour. Tout à la tour. Season of Mist. L'album contenait 10 titres plus un bonus dans l'édition limitée. C'est du gothique. Bah, je chantais pas en gothique. Ouais, black gothique. Black gothique. Hein. C'est un quartet de black gothique formé en 1987. Exactement. Tu t'étais né? Ouais, j'étais né, ouais. Mais je dirais pas l'âge que j'avais, mais j'étais né. Ouais. Bon, c'est bien. Bah, moi, j'étais presque majeur. Dans ces ouais, temps-là, j'avais 20 ans. Non. C'est vrai ça? Ouais, non, c'est non, ça. Mais toi, ça. Toi, moi, non. Ouais, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans en 87. Ouais. Groupe grec qui nous vient d'Athènes, les Rotting Christ. Et ils seront en concert à Paris le 4 février. Pas tout seul, puisqu'ils seront avec Karash Angren plus Svartkron. Mais ça doit être vachement. Vachement quoi? Bah, Black Gothic, quand tu vois les noms en plus, t'es là, tu fais. Non, Svartkron, c'est sympa. C'est pas que c'est perché, mais. Non, mais c'est sympa. Tiens, je te mets deux places. Non, merci, c'est gentil. Tu veux pas y aller? Toi et ton petit frère. Le 4 février, mon petit frère, j'en ai pas déjà. Bah, alors ton grand frère. Ouais, je le trouve. Bon, ta petite sœur. Il sera pas là. Le grand, il sera pas là. Bon, okay, bah tant pis. En tout cas, c'est Rotting Christ à Paris le 4 février. Mais tu peux me les donner parce que je les revends après, comme ça on fait des économies. Par contre, j'ai pas mis. Je t'avais dit de rechercher les salles. J'ai pas mis la salle. Ah bah, là, pour tu m'as pas demandé pour eux. Pour bah, je te la cherche en 2 secondes, le temps ouais, que tu voilà. présentes le titre d'après qui va suivre. Alors, ça sera cher. Bleed from Within. Bleed from Within, tiré de l'album Era. Le morceau, c'est Alive. Ça sort chez Sanctuary Media depuis le 19 janvier. C'est un album qui était déjà sorti, c'est ça? Ouais. Non, l'album sort en avril. Attends, j'ai pas tout compris, ce truc-là. Là. Qu'est-ce que j'ai voulu marquer? Je sais pas. Bleed from Reason, je sais plus pourquoi. Là, oui, c'est ça. Ça y est, je crois que c'est ça. Non, je suis pas sûr. Enfin bref, c'est un quintet On va y arriver. C'est un quintet de deathcore formé en 2005. Ils nous viennent de Glasgow en Écosse. Voilà. Et ouais, je sais plus trop quoi, mais je crois que l'album sort qu'en avril. Ouais, ils seront en concert le 4 février au Petit Bain. Le film. Qui ça? Ah, c'est Petit Bain. Ah, alors attention, Petit Bain, pas sûr. avec les inondations. Pas sûr du tout, même. Ah, c'est pour ça que je voulais savoir les salles. Mais petit bain, 4 février, c'est la semaine prochaine. Ah ouais, mais là, les bords de Seine sont complètement inondés, ouais, et toutes les péniches sont fermées. Hein. C'est dimanche dans 8 jours. Bon, donc, peut-être. Normalement, il y a le temps, parce que la décrue est annoncée pour ce week-end, plus ou moins. D'accord. Normalement. Bon, bah donc, ils annoncent demain, mais normalement, la décrue est annoncée pour va venir. Ok. Donc, normalement, tu sais quoi ? On se donne rendez-vous mercredi. Ouais, et on en reparle. Parce qu'on sera là mercredi, pas jeudi, hein, mercredi, j'ai bien dit. Ouais. Mercredi en direct. 31 janvier en direct. Normalement, à partir de mercredi prochain, à partir du 1er. Non, du 31 janvier. On finit le 31 janvier et on reprendra tous les mercredis après. Donc, voilà. Normalement. Donc, le mercredi prochain, on vous tient au courant là-dessus de ce qui s'en passe sur les salles de concert. On fera un tour des salles de concert, pourquoi pas de scène. Tu sais quoi ? Tu fais une émission spéciale scène. Non, je m'en balèque. Allez, Bleed From Within, donc ce sera le titre après Rotting Christ, et on enchaînera et on terminera avec Arkona. Arkona qui sort son nouvel album aussi le 19 janvier chez Napalm Records, et l'album s'appelle complètement cramé, quoi. Crame ton gâteau, voilà. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Storm. Alors, je sais pas si c'est en je sais pas quoi. En russe. C'est du russe, hein. Ouais, alors c'est peut-être en russe, hein. Crame et Storm. C'est peut-être du russe. L'album fait 9 titres et ils nous viennent de Moscou. C'est un sextet de black folk pagan et ils se sont formés en 2002. Voilà, bon, je pense qu'on vous a tout dit. On commence avec Rotting Christ, on continue avec c'est quoi déjà ? Bleed From Within, et on finit avec Arkona, voilà. Musique. Yeah.

retour dans le Rock for Show, dans les studios du Rock for Show avec Tom. Ouais. Et Phil. Ouais. Aussi. vous avez pu vous mettre c'est entre Phil les oreilles. C'est Phil ici aussi, c'est pas Phil aussi. Oh ouais, c'est bien. Oh, bravo, bravo. Alors là, bravo. On applaudit tous bien fort, Tom. Bon, je suis tout seul, mais à l'unisson quand même. Hein. Allez, vous avez pu vous mettre entre les oreilles Rotting Christ, les Grecs. Vous avez pu également écouter Bleed From Within, les Américains, c'est ça? Ils sont Américains, hein? Ouais, non, les Écossais, n'importe quoi, les petits pois. Les Écossais, les petits pois. Hein, elle est bonne, celle-là. Et puis, vous avez eu les Russes d'Arcona, voilà. Et maintenant, vous avez les petits Frenchies de Malmort dans vos oreilles. Les Frenchies de Malmort, pourquoi? Avec mille regards. Ouais, mais... Parce qu'ils sont en concert. Ouais, mais ta blague était merde. Et pourquoi? Le quoi? Les Écossais, les petits pois? Moi j'aime bien, j'aime bien. Ouais, ouais. Sympa. Ah, c'est si bon, j'étais au bureau, ça vaudrait au moins 2 euros dans le cochon. Bah voilà, chez nous ça fera 50. Voilà. 50 euros, putain, ça fait cher la blague. Bon, j'arrête de faire des blagues de merde alors. Malmort, groupe de hard rock formé en 2010. Ils nous viennent de Cergy-Pontoise. Et ils sont en concert à Bagnolet dans le 93. Le 9 cube, le 9-3. Et c'est où exactement? C'est à l'espace Den Miss Hooper. Nice Hooper. Den Miss Hooper. C'est Den Miss Hooper. Bon, je pense que c'est l'espace Denis Hooper, mais c'est pareil. Ouais, c'est Denis Hooper. C'est qui c'est Denis Hooper? Non, mais tu vas me le dire. C'est un réalisateur, je crois, de films d'horreur. Ah, d'accord. Je pense que c'est pas lui qui a réalisé. Non, c'était Sam Raimi. Ouais, mais Sam Raimi, Denis Hooper, je pense qu'ils étaient ensemble, qui avaient réalisé Evil Dead. Mes souvenirs sont bons. Qui me dit Bagnolet dit la petite salle qu'on a fait juste à côté. Enfin, la petite salle qui était une très belle salle. Quand t'es voir Pascal Mulot. Voilà. Ah, le Triton. Voilà. Le Triton, ouais, exact. Exact, exact. Allez, tiens, on lance un petit concours comme ça, sympa. Qu'est-ce qu'on peut vous faire gagner? On va vous faire gagner des places pour aller voir Malmort. Bah ouais, parce qu'on est comme ça. Donc l'espace donc Denis Hooper, dans quel, enfin qui est-il? Qui est-il? Voilà, vous nous répondez. Je pense, hein, je pense moi que j'ai raison avec Evil Dead. Non, t'as pas été vérifié, c'est un truc. Mais j'ai pas été vérifié. Donc vous m'envoyez ça, vous me dites si j'ai raison ou tort, et vous gagnez deux places pour aller voir Malmort. Donc on vous rappelle, c'est le 3 à Bagnolet à l'espace Denis Hooper. Voilà. Et ils sont pas tout seuls, hein, je crois. Ils sont avec avec qui? Ils sont avec un autre groupe. Je me demande, c'est pas, c'est le... je sais plus avec quel groupe. Bah si, donne-moi deux films de Denis Hooper. Bah je t'ai dit, moi je pense qu'il doit y avoir peut-être un massacre à la tronçonneuse. Non, je suis pas sûr ça là-dessus. Zombie peut-être. Putain, frère, il y en a tellement que. Je te dis Evil Dead. Evil Dead. En quelle année? Ouais, le premier Evil Dead, hein, pas le nouveau tout pourri là. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûr et certain, hein, mais bon, moi je dirais que c'est ça. Après, de toute façon, on a des auditeurs que... au 06 81 01 28 34 qui vont nous envoyer des réponses, savoir si j'ai raison ou pas. Et voilà, Denis Hooper, qui était-il? Et qui est réalisateur de films, je crois. Ouais, ça c'est exact. C'est sûr. Et ouais. Acteur aussi. Voilà. Bon allez, on va passer à la suite de la programmation avec les nouveautés. On vous rappelle, on est jeudi soir, mais c'est certainement pour la dernière fois que nous vous donnerons Rock for Show le jeudi soir en direct. Maintenant, ce sera certainement le mercredi soir à partir de mercredi prochain, donc le 31 janvier. Voilà, c'est dit. Visigoth, ce sera le prochain groupe que nous entendrons, groupe de heavy metal. Aïe, on reçoit des SMS, c'est bien. Groupe de heavy metal, l'album s'appelle Conqueror's Oath. Le morceau que je vous propose de découvrir s'appelle Blades in the Night, les lames dans la nuit. C'est bien ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mmh, voilà. Ça sortira le 9 février chez Metal Blade. Moi j'ai bien aimé l'album, il est un peu court, 8 titres. C'est un quintet, ils se sont formés en 2010. Ils nous viennent des États-Unis de Salt Lake City. Je te laisse faire pour Lumberjack. Hein oui, c'est connais, une exclue. Hein. Je connais pas beaucoup Lumberjack. Il y a une personne qui n'est pas là mais qui connaît plus Lumberjack que nous. Ça s'appelle Luna Wolf. Non, je me trompe plus ou pas? Ouais, non, non, vas-y, vas-y. D'accord, non, mais je te dis. Juste, je te laisse enchaîner. Leur album Alone, avec le titre Mystery Light, c'était un autoproduit. Mystery Light. Ça sortira le 5 mai prochain. Oui, mais là, ils ont sorti en exclusivité sur Internet la vidéo de Mystery Light. Ok, c'est un quartet de heavy rock formé en 2013. Ils sont... parisiens même. Oui, ils sont parisiens. Francilien. Ah, c'est bien, on a plein de SMS là. Merci les enfants, ça prouve que vous écoutez l'émission. Et juste après, Phil. Et bien, juste après, on aura... alors ça, j'ai découvert et j'ai bien aimé. Et toi, tu connaissais avant. Ça s'appelle Camera Obscura. Ils en sont à leur troisième album. Oui, ils sont formés en 2008, si je ne me trompe pas. C'est du metal cinématographique. Ouais, c'est de l'indus. Au départ, sur leurs deux premiers albums, c'était beaucoup plus indus que maintenant. Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, toi, tu les as vus sur scène, c'est ça? Ah ben, je les ai vus même en interview à l'époque quand je faisais une autre émission de radio sur une autre radio. Voilà, qui n'existe. La radio existe toujours, c'est Radio Sensation. L'émission n'existe plus parce que c'est moi qui la gérais. Mais voilà, ouais, je les ai vus en interview et c'est donc ils sont très fait, cool. Ils ont on peut les avoir. Un visuel qui est projeté sur scène et en même temps, oui, ils font leur musique. C'est du cinéma. Enfin, c'est des projections vidéo sur scène et tu as la musique en même temps. Enfin voilà, c'est quelque chose à voir sur scène. Voilà. Alors bon. Premiers albums très industriels. Là, ils ont mélangé en fait un petit peu le son métal pour ce qui est les guitares, basses, batterie et le chant, qui est parfois clair, parfois saturé. Et vous avez, comment dire, l'atmosphère originale qui a été beaucoup plus, on va dire, rajouter des sons organiques. Ah ben ça a été très évolué parce que les projets avant étaient sur une autre structure de base de groupe. Le groupe a évolué. Ils ont changé de batterie, basse batterie a changé. Le guitariste est toujours c'est le membre fondateur. Et le chant est arrivé il y a 4-5 ans maintenant. Donc voilà, ça a changé. L'équipe a changé. Voilà. Alors sachez qu'avant, ça tombe bien avec Dennis Hooper, tout ça. Ils étaient surtout basés sur les bandes originales de films. De tout ce qui était un petit peu fantastique, SF et les films d'horreur, bien entendu. Alors que là, sur le nouvel album, celui que vous allez écouter tout à l'heure, on va vous en reparler, lui est basé surtout sur le film de genre des années 70 à 80. Voilà, avec des sonorités beaucoup moins indus. C'est un peu pin-up. Hein, ouais. La chanteuse est un peu pin-up sur scène. Ouais. Pas de là, Cécile, si tu m'écoutes, pas de là non plus. C'est jamais vu dire. Mais non, c'est joli. C'est, voilà. C'est à voir. Il y a des visuels ouais, voilà, et de la musique. C'est quelque chose à voir. Faut voir sur scène un petit peu. D'ailleurs, ils seront en concert prochainement. On vous en reparlera parce que c'est qu'au mois de mars, donc on a le temps. D'ici là. Sinon, le morceau qu'on va vous proposer ce soir s'appelle Texas Chainsaw et le titre du nouvel album s'appelle The Final Cut, sorti chez Do It le 23 janvier. On est le combien aujourd'hui? 25, c'est l'anniversaire de ton papa et c'est l'anniversaire de ma maman. C'est déjà donc sorti, hein, voilà. Et ben voilà, on vous laisse parce que moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ce groupe et que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à mes amis de Do It. Donc on salue Sarah. Et Monsieur Chris, on envoie la musique, 06 81 01 28 34, si vous voulez nous renvoyer des SMS concernant Dennis Hooper, savoir qui il était, ce qu'il a fait et quels sont ses films les plus célèbres. Et puis, si vous voulez nous envoyer des SMS pour gagner des places pour aller voir Papa Choubi ou Malmort à Bagnolet. Allez, musique, c'est parti. Allez, on va débriefer, on a beaucoup de choses à vous dire parce qu'on a reçu beaucoup d'appels. Alors effectivement, je me suis planté entre Tobe Hooper et Dennis Hooper. Dennis Hooper est le réalisateur de Easy Rider. Mais par contre, il est décédé, apparemment, d'un cancer de la prostate. Parce qu'il avait, d'après... Alors, on va remercier quand même nos auditeurs. On va remercier Maxime. Et on va remercier Chris, hein, qui nous a envoyé plein de détails, en fait. Donc, Tobe Hooper a bien fait Massacre à la tronçonneuse. Donc, voilà. Et il a fait Piranha, également. Donc, Dennis Hooper... Et alors, qu'est-ce qui m'a marqué? Parce que j'ai pas tout noté non plus. Dennis Hooper, il a été marié 5 fois. Hein, heureux homme, heureuse sa prostate. Merci Chris, hein. En tout cas je rigole beaucoup quand en lisant tes SMS, franchement on se marre bien ici. On rigole pas qu'en lisant tes SMS, des fois ils racontent des conneries. Oui, des grosses conneries aussi. Alors Chris est aussi organisateur de concerts et il met 2 places en jeu pour celui qui trouvera le rapport entre Dennis Hooper et le point commun, plutôt, entre Dennis Hooper et Tobe Hooper. Le nom de famille. Ouais. Non, c'est pas ça. Outre le nom de famille. Voilà. Non, vous, mais... gagnez 2 places pour aller au festival de Saint-Mamé. Saint-Mamé. Hein, voilà. Donc, on vous donnera d'autres détails là-dessus, parce que j'ai pas tous les détails. Je les ai pas notés, mon cher Chris. Chris, tu me déçois, là. Voilà. Allez, Chris, s'il te plaît. Non, entre toi et moi, c'est bon. On peut gérer ça Ouais, non, mais bon, attends, on va passer à la suite parce qu'il nous reste peu de temps pour finir cette émission. Donc, on vous rappelle que nous avons passé en ouverture. C'était quoi? C'était Visigoth. Visigoth, suivi de l'homme de Jax. Caméra avec... obscura avec une superbe chanteuse voix. Non, c'est bon, stop. Ah, d'accord. Tom. Mais Tom, c'était quoi ça? Tom, mais Tom! Mais Tom, mais range-moi ça! C'est pas possible. Bon, on a aussi un autre petit détail à vous donner sur Malmort. Donc, n'appelez plus puisque les places sont gagnées pour le concert de Malmort. Mais ils seront pas tout seuls, Malmort. On a oublié de vous dire qu'ils seront avec Larsen. Et Dementia. Et Dementia. Et donc, on vous rappelle la date. C'est le 3 février. 3 février à Bagnolet, à l'espace Dennis Hooper. Voilà. 6 rue de l'Épine prolongée. L'épine prolongée. Ah bah c'est pour ça. Tu vois l'épine, bah, elle est prolongée. Déjà l'épine ça fait mal, bah, quand elle est prolongée j'imagine pas. Bon, et puis ce que vous entendez en fond sonore, on vous en parle maintenant de Rumi ou on attend? C'est assez sombre, assez noir, assez glauque. Et l'album s'appelle Anaon. Anaon ou Anaon. Qui est en fait l'ensemble des âmes des défunts et quoi. Et le lieu où elles se reposent, en fait, où elles se retrouvent toutes. Voilà, c'est ça, Anaon, c'est la réunion des âmes, en fait. Voilà. De son vrai nom, elle s'appelle Anne-Sophie Rémy. Rumi. C'est bizarre à dire, en plus, c'est très, très compliqué. Donc l'album, on vous l'a dit, c'est Anaon. Et ce que vous entendez, excusez-moi, s'appelle Happy Ending. On vous le mettra en fin d'émission. Hein, et on vous rappellera un petit peu de ce qu'elle fait. Voilà. Pour l'instant, on va se quitter avec quelques titres. Hein, de nouveaux titres, mon cher... Oui, mon très cher Phil, comme tu veux. Alors, on va commencer avec... je sais pas, avec qui ? Avec quoi ? Avec l'alcaloïde. Alcaloïde. Voilà. Alcaloïde, très très bon. Très très bon, Alcaloïde. Sorti chez Season of Mist le 9 février prochain. Oui, alors attention. Cet album était déjà sorti en mars 2015. Mais là, c'est pas une réédition. En fait, c'est que l'album était sorti en autoproduction à l'époque. Oui, enfin, c'est et que là, maintenant... eh bien, il sort sur un label. Mais c'est la même chose que Malmort, hein, différent coup, en fait. Oui, oui, oui. Sauf que là, avec beaucoup plus d'espace quand même dans le temps. Bah, c'est ça qui est énorme. C'est un peu. Donc depuis le temps, ces alcaloïdes là, ils ont rien foutu depuis 2015 apparemment. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'en 3 ans, enfin. Et l'album s'appelle The Malacute Grimoire. Voilà. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. Et le titre Alter Magnitude. Voilà. C'est des Allemands, ils sont formés en 2014, c'est du death progressif. Exactement, voilà. Donc moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite nous enchaînons avec Mudweiser. Alors Mudweiser, quand je vais vous dire qui il y a dedans, vous allez me dire ah oui oui oui d'accord. Ça s'appelle So Said the Snake et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle 7 AM Zombie. On a vu, on reste dans les films un peu gore quand même. Hein. C'est sympa, il faudra qu'on se refasse une émission gore comme ça. Ouais, un petit peu, ce serait sympa. Ça sort chez Head Records le 23 février prochain. C'est un quartet de stoner. Ouais, c'est un peu plus brutal que le stoner. Et on retrouve Renaud au chant de Lofofora. Voilà, donc c'est ça, ça va vous parler. Et le groupe s'est formé en 2005. Ils nous viennent de Montpellier. Et enfin, on reprendra l'antenne. Hein ? Ok, on mon cher Tom ? On reprendra l'antenne ? Ouais, ouais. Ouais, on aura le temps ? Ça fera short pour Radio-Québec, mais on peut essayer. Allez, allez, musique, c'est parti ! Reflections to weaken lies bare, to weapon darkness consumed. Everything we have to do is to get to the truth has to be sneaky. It seems a shame to sneak to get to the truth, to make the truth such an evil, dirty, old, nasty thing. The truth is in the gas chamber. The truth has been in your stockyards, your slaughterhouses. De retour pour vous dire au revoir, c'était Rock, c'était fort, c'était chaud, c'était le jeudi soir, et maintenant nous passons le mercredi, n'oubliez pas la semaine qui vient, ce sera mercredi. On se retrouve à la fin du mois, le 31 janvier, pour les auditeurs de Radio Québec, et puis pour les auditeurs de Metal Invasion, que vous retrouvez le lundi soir. Pour l'instant nous restons le lundi soir, à moins qu'on changera, mais à voir. Ça sera à voir avec Sydney. Allez, c'était Rock, c'était fort, c'était chaud, c'était le Rock for Show, à mercredi, bye bye. Avec Romy, un fil. Ouais, mais tu peux nous mettre Romy. On va les laisser avec ça. C'est doux, c'est calme. Et Mudweiser, on le repassera plus tard. Bye bye. Salut.